The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Scantily clad. En petite tenue. To strut around. Se pavaner. To leave indifferent. Laisser de marbre. Global warming. Le réchauffement climatique. To stumble across. Tomber sur. To freak out. Flipper. Melting. La fonte. Ice. La banquise. To not be able to get any sleep all night long. Ne pas fermer l'œil de la nuit. Atmosphere. L'atmosphère. Greenhouse effect. L'effet de serre. Kyoto Protocol. Le protocole de Kyoto. To ratify. Ratifier. Wind turbine. L'éolienne. Now, a bit faster. To stumble across. Tomber sur. Scantily clad. En petite tenue. To leave indifferent. Laisser de marbre. To stumble across. Tomber sur. To leave indifferent. Laisser de marbre. Wind turbine. L'éolienne. To strut around. Se pavaner. Global warming. Le réchauffement climatique. Wind turbine. L'éolienne. Scantily clad. En petite tenue. To leave indifferent. Laisser de marbre. Ice. La banquise. Scantily clad. En petite tenue. To strut around. Se pavaner. Scantily clad. En petite tenue. To strut around. Se pavaner. Kyoto Protocol. Le protocole de Kyoto. Scantily clad. En petite tenue. Wind turbine. L'éolienne. Atmosphere. L'atmosphère. Ice. La banquise. Melting. La fonte. To leave indifferent. Laisser de marbre. To stumble across. Tomber sur. To ratify. Ratifier. Global warming. Le réchauffement climatique. To not be able to get any sleep all night long. Ne pas fermer l'œil de la nuit. To stumble across. Tomber sur. To not be able to get any sleep all night long. Ne pas fermer l'œil de la nuit. To leave indifferent. Laisser de marbre. Now, use the words in context. Se pavaner. Very proud of his six-pack abs, he strutted about bare-chested all summer long. Tout fier de ses tablettes de chocolat, il s'est pavané torse nu tout l'été. Flipper. If there's one thing that freaks me out, it's spiders. S'il y a un truc qui me fait vraiment flipper, ce sont les araignées. La fonte. This company specializes in melting and producing copper objects. Cette entreprise est spécialisée dans la fonte et la fabrication d'objets en cuivre. Ratifier.